الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق وهو الرزاق الجواد الكريم سبحانه وتعالى فقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وطلب الرزق سنة الأنبياء عليهم السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم وطلب الرزق لا بد أن يقوم على أسس سليمة كالتوكل على الله عز وجل والعلم بأن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأن الله هو الرزاق وأن لا تتعدى حدود الله لأجل الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها لن تموت حتى تستكمل رزقها ومع ذلك يا عباد الله لا بد من فعل الأسباب المأذونة شرعا ومن تأمل كتاب ربنا عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن أسباب الرزق متنوعة كثيرة جدا وأن البركة من الله تعالى أولا تقوى الله تعالى قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثانيا المحافظة على الصلوات المحافظة على الصلوات قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ثالثا الاستغفار قال سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رابعا شكر الله عز وجل على نعمه بأن تعترف بأن الفضل كله بيد الله وأن المنة له فتحمده سبحانه وتعالى وتشكره وتسرف هذه النعم في مرضاته جل وعلا قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد خامسا الصدقات والبعد عن المعاملة الربوية قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات سادسا الصدق في التجارة وعدم الغش والخيانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. سابعا، صلة الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثامنا، الجود والكرم، الجود والكرم. قال الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومن الأسباب أيضا يا عباد الله التبكير في طلب الرزق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وهكذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويروح بطانا. وهكذا الزواج يا عباد الله، لقول النبي، لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. كثير الخير، عظيم الفضل، وعليم بمن يستحق ذلك، كما قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسيره رحمه الله. وهكذا السلام عند دخول البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاشا رزق وكفي، وإن مات أدخل الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. الحديث. فنسأل الله عز وجل من فضله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى nous a certes ordonné la recherche de notre subsistance, de travailler afin de subvenir à nos besoins et ceux de nos proches et ceux qui sont sous notre charge. Et le garant de tout cela est le grand pourvoyeur, et Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ces versets: et recherchez auprès d'Allah votre subsistance, et adorez-le, et montrez-vous envers lui reconnaissance, et vers lui que se fera votre retour. Et dans un autre verset: et lorsque la prière se termine, répandez-vous sur la terre, et recherchez les grâces de la part d'Allah, et invoquez Allah avec abondance afin d'obtenir la réussite. Donc dans ces versets, on nous ordonne la recherche de la subsistance, on nous ordonne le travail afin de combler nos besoins et ceux de nos proches. Et le fait de travailler, sachez que c'était la sunna des prophètes, de l'ensemble des prophètes alayhimus salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ne fût auparavant berger, sans qu'il ne fût berger gardien de moutons. C'est ainsi qu'étaient les prophètes, ils travaillaient, alayhimu as-salam. Et le fait de rechercher sa subsistance doit absolument reposer sur des fondations qui sont licites et sur des bases qui sont solides, comme le fait de placer toute sa confiance et de ne compter que sur Allah, de placer toute sa confiance en Allah quant à l'obtention du bien, et de compter pleinement sur lui, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir la conviction ferme que ce qu'Allah donne, personne ne peut l'enlever, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala retient, personne ne peut le donner. Toute la subsistance repose auprès d'Allah Azza wa Jal et se trouve auprès de lui. Il faut donc se diriger sincèrement vers lui dans sa demande. Et il nous faut absolument ne pas transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la recherche de la subsistance. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: ô vous les gens, craignez Allah et cherchez de la plus belle manière, et sachez qu'aucune âme ne mourra avant d'avoir complété sa subsistance. Personne ne va mourir si ce n'est après avoir obtenu l'entièreté de la subsistance qu'Allah lui avait accordée, ce qui lui avait été écrit. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit même que lorsque le fœtus atteint les 4 mois dans le ventre de la mère, il y a un ange qui lui vient et qui lui inscrit 4 paroles, 4 choses. Parmi ces choses-là, la subsistance qu'il aura dans ce bas monde. Donc tout est écrit, tout est consigné chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous faut, pour avoir notre subsistance, faire ce qu'Allah nous a commandé dans le Coran, c'est-à-dire faire les causes qui nous sont licites et permises. Et celui qui lit le Coran et qui le médite, celui qui étudie la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, verra que les causes de la richesse et de la subsistance licite sont très nombreuses et différentes. Premièrement, la piété, le fait de craindre Allah en faisant ce qu'il nous a commandé et en délaissant ce qu'il nous a interdit. Il nous dit dans son livre, sous la traduction des sens de ces versets: et si les gens de la cité avaient eu la foi et avaient eu la crainte d'Allah, la piété, ceux-là auraient reçu leur subsistance des cieux et de la terre. On nous dit également: et celui qui craint Allah, il lui accorde une issue et il lui accorde sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Deuxièmement, le fait de préserver la prière. Le fait de préserver la prière est une cause de richesse et de subsistance licite. Allah nous dit dans le Coran: et ordonne à ta famille la prière et sois endurant dans celle-ci. Nous ne te demandons pas la subsistance, c'est nous qui t'accordons la subsistance, et la bonne fin appartient à la piété. La troisième cause, la demande de pardon. Le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses fautes et ses péchés. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les ordres de ses prophètes comme Nuh alayhi salam à leur peuple, en leur disant de demander pardon à Allah, et cela sera une cause pour avoir la pluie du ciel, et sera une cause pour avoir de l'argent, des enfants. Donc la subsistance vient avec la demande de pardon. Avec le délaissement des péchés, la subsistance et la richesse nous vient. Quatrièmement, la reconnaissance. Le fait de se montrer reconnaissant et de remercier Allah pour ses nombreux bienfaits, en reconnaissant que tout cela émane d'Allah, en utilisant ses bienfaits à la recherche de l'agrément d'Allah, et en le remerciant avec la langue pour tout cela, en faisant ses éloges, subhanah. Et lorsque ton Seigneur décréta ou proclama: si vous êtes reconnaissant, assurément je vous ajouterai, c'est-à-dire de mes bienfaits. Celui à qui Allah accorde des bienfaits, lui se montre reconnaissant, Allah Azza wa Jal préserve ses bienfaits et lui augmente de ses bienfaits. Cinquièmement, l'aumône, as-sadaqat, le fait de dépenser son argent pour Allah, et le fait de s'éloigner des transactions usuaires et des transactions illicites en islam, car Allah Azza wa Jal multiplie les aumônes, il fait augmenter les aumônes et il détruit l'usure. Sixièmement, le fait d'être véridique dans le commerce, de ne pas tricher, de ne pas tromper ni trahir, le fait d'être véridique. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui vend et achète, si yani, ils ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant que la vente ne devient pas effective, ils ont le choix. Et avec cela, s'ils sont véridiques et s'ils démontrent réellement ce qu'il y a dans leurs marchandises, la bénédiction sera mise dans cela, la bénédiction sera mise dans leur vente. Et s'ils mentent et ils cachent la réalité de la marchandise, alors la bénédiction sera enlevée de leur vente. Et le prophète alayhi salatu wassalam a menacé les commerçants, en particulièrement ceux qui jurent pour écouler leurs marchandises. Ils vendent et ils jurent par Allah pour écouler leurs marchandises, et ils se permettent même de mentir, iyadan billah, pour faire un plus grand profit. Et il n'y a pas de bénédiction dans ce commerce qui n'est pas basé sur ce qui plaît et sur ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Septièmement, le fait de préserver les liens de parenté. Le fait de préserver les liens de parenté en commençant par la relation avec les parents, avec les frères et sœurs, les oncles et les tantes. Le fait de préserver les liens de parenté est une cause de subsistance et de richesse. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui aimerait voir sa subsistance augmenter et sa vie allongée, qu'il lie les liens de parenté. Qu'il lie les liens de parenté. Huitièmement, la générosité et le fait de donner pour Allah Azza wa Jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: avant cela, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: et vous ne dépensez rien sans qu'Allah vous ne le remplace. Et vous ne dépensez rien sans que cela ne soit remplacé par Allah. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Allah le très haut dit au fils de Adam: dépense, je dépenserai pour toi. Donne et je donnerai pour toi. Parmi les causes de subsistance, le fait de sortir tôt à sa recherche. Le fait de faire les causes et de sortir tôt à sa recherche. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que nous sommes une communauté dans laquelle la bénédiction a été mise dans le matin. Dans le matin. Aussi le fait de placer sa confiance en Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: si vous placeriez votre confiance en Allah et réellement il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et il revient le soir le ventre plein. Donc remarquez ici que l'oiseau fait les causes. Il sort et il revient. Aussi ad-du'a, Allah Azza wa Jal nous a promis de nous répondre si on l'invoquait. Celui qui demande à Allah, Allah lui répond. Et lorsque mes serviteurs, ou plutôt et votre Seigneur a dit: demandez-moi et je vous répondrai, je vous donnerai. Parmi les causes, le mariage. Parmi les causes de richesse, le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran que ceux qui se marient, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira et leur accordera de ses bienfaits. Contrairement à ceux qui n'ont pas été éduqués dans la foi, ils pensent que le mariage est une cause de pauvreté et ils pensent que les enfants sont une cause de pauvreté. Ceci est le cas, et ou bien est la conviction de ceux qui n'ont pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Allah, lui, il nous enseigne dans le Coran que ceux qui se marient, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira et leur accordera de ses grâces. C'est-à-dire qu'il donne avec largesse et il sait ceux qui sont le plus à même de recevoir ses biens, ses bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Parmi les causes de subsistance, il y a également le fait de passer le salam. Lorsqu'on rentre chez soi, le fait de dire assalamu alaykum. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il y a trois personnes qui ont la garantie chez Allah. Il y a trois personnes qui ont la garantie chez Allah. S'ils vivent, de recevoir leur subsistance et la suffisance. Et s'ils meurent, d'entrer au paradis. D'entrer au paradis. Le premier, c'est celui qui, lorsqu'il rentre chez lui, il passe le salam. Le deuxième, c'est celui qui sort à la mosquée. Il est sous la garantie d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne chez lui. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a ces gens-là, ou bien ces gens-là, il les préserve. Et il leur garantit leur subsistance. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il y a trois personnes qu'Allah s'est donné comme droit de les aider. De les aider. Parmi les trois, il y a celui qui se marie pour se préserver. Il y a celui qui se marie pour se préserver. Et pour finir, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais c'est plutôt Allah le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés pour le travail. Il nous a créés pour son adoration, seul d'un culte sincère. Mais on nous a ordonné le travail pour concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas tendre la main devant les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit également et dans le ciel il y a votre subsistance et ce qui vous est promis. Il y a votre subsistance et ce qui vous est promis. Donc craignez Allah Azza wa Jal et cherchez votre subsistance par le délaissement des péchés et le fait de faire les causes qu'Allah Azza wa Jal nous a légiférées. Wa sallallahumma wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم ارزقنا من فضلك، أنت خير الرازقين، الرزاق الجواد الكريم. والله أعلم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et comme vous l'avez entendu, parmi les causes de la subsistance, le fait de dépenser pour Allah. Alors dépensez pour la mosquée. Jazakumullahu khayran walhamdulillah.